Je vais avoir des trous parce que c'est un vieux cours et je suis pas du tout préparé pour le faire aujourd'hui. Et puis je suis censé avoir des livres pour les accompagner et citer, mais je les ai pas sur moi. Donc la Seconde République, c'est une période qui s'étend de 1848 à 1852. Donc c'est assez court. Alors je vais commencer pour situer la Seconde République à Je suis perdu. Ça, c'est pas le même cours. Par la monarchie de juillet. La monarchie de juillet, c'est de 1830 à 1848. Alors donc, elle commence en juillet 1830, dans ce qu'on a appelé la, ce que certains ont appelé la révolution des banquiers, c'est-à-dire en gros des banquiers, des industriels, des financiers qui poussent le peuple à renverser les monarques, enfin le monarque Charles X de la Restauration, qui est archaïque, ultra-catho, etc., qui est plus vraiment adapté à la manière dont on produit les choses en 1830. Et donc voilà, c'est à peu près des monarchistes libéraux qui finissent par prendre le pouvoir. Au début, c'est un compromis, au moins en apparence. C'est un mélange de ploutocratie, c'est-à-dire d'oligarchie par l'argent et de parlementarisme. Je fais très vite sur la monarchie de juillet, on comprend pas grand-chose parce que c'est pas sur ça que je vais faire le machin. Il y a une répression dure quand même dès le début du mouvement ouvrier, donc on voit que c'est pas encore la joie non plus. La question le Les problèmes de la crise du régime va se cristalliser autour de François Guizot, un historien qui est le fondateur de la théorie de la lutte des classes, qui est donc de droite, évidemment, qui est pacifique, on va dire, pas révolutionnaire, qui a été un peu surpris par la révolution de 1830, même s'il y a contribué, et qui est ministre de Louis-Philippe, l'équivalent de premier ministre de 1840 à 1848. Donc il n'est pas complètement immobiliste. Il a une volonté de développement économique, technique et du marché intérieur. Il a également voulu développer l'éducation avec la loi de 1833, qui a mis les bases pour ce que fera Jules Ferry plus tard en 84. Qui consiste à donner en apparence, l'idée, c'est on va donner, on n'a pas encore le droit de vote universel. C'est une monarchie parlementaire où il y a un sens, c'est-à-dire si on paye une certaine quantité d'impôts, on a le droit de vote. Et donc l'idée, c'est que pour que tout le monde ait le droit de vote, il faut d'abord les éduquer. Et donc voilà, on fait des petites écoles. C'est aussi pour garantir la paix sociale et une bonne production, hein. Alors donc, il finit par s'attirer des problèmes parce que, alors dans cette période 1840-1848, il y a une ébullition du socialisme révolutionnaire. Une émergence du communisme, le manifeste du Parti communiste est publié en 1848. Il y a une crise agricole grave en 1846. Elle est résolue, mais elle est quand même traumatisante parce qu'on était censé avoir accepté la monarchie parlementaire parce qu'elle garantissait un certain nombre de, enfin une bonne santé économique, et finalement, voilà, elle aussi elle a des problèmes. Ce qui va cristalliser la colère, c'est l'immobilisme dans le sens du sens, c'est-à-dire que pas mal de ce qu'on appelle de la moyenne bourgeoisie haute va être énervée que le sens ne soit pas abaissé et qu'on n'élargisse pas le nombre de votants, donc le nombre de personnes qui peuvent prendre part à la vie politique. Donc finalement, ce qui veut dire qu'il va y avoir une alliance en gros de la moyenne bourgeoisie, de la petite bourgeoisie et du prolétariat de fait, enfin objective, ils vont avoir les mêmes intérêts. Il va y avoir un incident qui va déclencher la révolution, c'est que au cours d'une période où les républicains, il y a des républicains, même s'ils ne disent pas leur nom parce qu'ils n'ont pas trop le droit, qui organisent des banquets un peu partout en France. Ils veulent en organiser un à Paris et il est interdit par François Guizot. Alors, il décide de faire une manifestation, et puis ça commence à prendre de l'ampleur. Guizot, Louis-Philippe, le roi, panique. Il finit par. La manifestation exige qu'on vire Guizot. Louis-Philippe panique et vire Guizot, François Guizot, donc, et le remplace par. On verra plus tard. Et alors, c'est là que va commencer la révolution. C'est des manifestants, enfin bon, c'est un peu l'équivalent des manifestants, vont aller sous les. En gros, devant les grilles du ministère. Pour narguer Guizot, pour se foutre de sa gueule, et il y a un incident, il finit par y avoir des coups de feu, des gens sont tués, et personne ne sait trop comment ça s'est passé, mais finalement les républicains sautent sur l'occasion, ils trimballent les corps des morts dans toutes les rues de Paris, et le lendemain, Paris est couvert de barricades, ça prend de l'ampleur, et en trois jours, il y a une révolution. Voilà. Donc c'est un enchaînement inattendu d'événements qui fait basculer la situation politique. Même si évidemment il y avait des conditions à ce qu'il puisse y avoir cet événement. Ça va être le bordel pendant tout court, hein, ça va pas s'améliorer. Donc maintenant on va parler de l'esprit de juin 48. D'abord on va commencer par qu'est-ce qui s'est passé. C'est en février 1848 la révolution. Et donc il y a des rédacteurs des journaux La Réforme. Je suis censé dire c'est quoi ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Voilà, donc moi j'ai eu en marchant un petit peu avec la manif là. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait dans le programme. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, mais je vais pas le coller sur moi. Comme ça, ça va. Voilà. Moi, je veux juste te poser une question. Je pensais que cette petite réunion, c'était pour réfléchir sur la société d'aujourd'hui et essayer de réfléchir ensemble et apporter des solutions. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi. Je viens d'arriver. Hein. Tu fais un cours d'histoire. Quel est le lien? Voilà. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui le présent et l'avenir. On construit avec le présent. Il y a une autre question, c'est juste pour une petite précision derrière. Excuse-moi si j'ai bien compris, là, tu parlais des Trois Glorieuses là, juste avant. Là. Ah d'accord, parce que je sais pas, tu étais en 48, tu es revenu en 1830. Alors, les Trois Glorieuses, c'est quelle époque? Ah, c'est pas les Trois Glorieuses, c'est pas ce qu'on appelle, comment on appelle ça, là, c'est un nom, là, les Trois Jours, hein, d'accord. Là, t'étais toujours en 1848, d'accord. Alors, pour répondre à la question assez simplement, on était censé faire une journée sur l'économie et l'éducation, que c'est moi que j'ai lancé et qu'on a organisé avec Éducation Populaire. Et donc le programme c'était à 15h l'intervention de Franck sur la musique et la politique, et à 16h animation et éducation, sauf que l'intervenant qui était censé parler d'animation et éducation n'est pas venu, et du coup on était un petit peu en galère et je fais une intervention sur la Seconde République en attendant à 17h la conférence débat avec Jean-Pierre Terraille pour repenser l'éducation vers un autre mode de production. Et des élèves du lycée autogéré pour parler de comment on gère l'éducation soi-même déjà actuellement. Donc on va parler beaucoup plus de positif à 17h. Et là, ça va être sur la naissance de la République. Après, sur l'histoire comme inutile, si la théorie de la lutte des classes était inutile, ils la connaisseraient pas et ils l'utiliseraient pas à droite. Oui, mais enfin, en tout cas, voilà. Oui, mais le présent, il tombe pas de nulle part. Enfin, les structures, elles se sont. Non, pas du tout. je pense que tout le monde ici, s'il connaissait la théorie de la lutte des classes, par exemple, pensait que c'était une théorie de Karl Marx, par exemple. Bah non. Oui, bon, très peu savent que c'est, voilà, c'est le Warren Buffett. Enfin, tout, à droite, on la connaît, la théorie, oui. Il y a les conditions, ouais. Si ça vous dérange pas, si on peut le laisser finir en fait son sujet sur la Seconde République. Voilà. Et après, on pourra parler de ce que vous... Enfin, tant que ça reste dans le sujet, un minimum. Merci. Bon, Non mais c'est des bonnes questions, on peut continuer sur le sujet. C'est juste, voilà, c'est une intervention en galère, c'est normal que ça se passe comme ça. Donc les rédacteurs des journaux La Réforme, qui est un journal un peu de gauche, socialiste pas dans le sens actuel, hein, et surtout Le National, qui est un journal républicain de droite, vont former les membres du gouvernement provisoire au lendemain de la Révolution. Plus quelques membres des sociétés secrètes, voilà. Donc la liste est composée par eux-mêmes et ils se retrouvent seuls au pouvoir. Ce qui a l'air pas cool, mais ils sont assez gênés par cette situation. Et ils ont l'idée que l'étoile... Et donc la République s'impose par contexte révolutionnaire, mais ceux qui sont à sa tête sont pas très à l'aise avec leur position et ils se demandent comment ils vont régler ça. Et donc immédiatement, il va y avoir une proclamation de la République par les Républicains, sauf ratification par le peuple, ce qui était peu probable. Puis la déclaration du suffrage universel masculin par référence à 1789, masculin, hein, pas non plus déconner. Hein. Après, je suis censé lire, parce que c'est pas un cours que j'avais prévu, donc je suis censé avoir quelque chose et je sais pas quoi. Donc il se passe des choses. On abolit l'esclavage en tout cas. Donc il y a une déclaration de paix au monde qui est faite par Lamartine, qui est dans le gouvernement provisoire, abolition de la peine de mort pour raisons politiques, c'est-à-dire rejet de la terreur, liberté de réunion religieuse entière, donc accent mis sur la paix religieuse, sur la tolérance entre guillemets, ça c'est un mot plus actuel. Et ils vont ajouter, parce que c'est une dominante républicaine de droite, ils vont mettre un accent sur la fraternité. Avant, la devise républicaine, c'était liberté, égalité. Ils vont rajouter le troisième, qui est fraternité. C'est-à-dire, en gros, paix sociale. Donc, c'est la naissance de l'esprit de 48, c'est-à-dire le déni des oppositions politiques et idéologiques et ou d'intérêt. Donc les réceptions de tout ça qui s'est passé en fait un petit peu, ça s'est passé à Paris comme ça se passait avant quoi. C'est quelques personnes qui ont fait la révolution et puis qui ont déclaré des machins. La province est sidérée. Il y a une joie de tous les parias en fait, les légitimistes, c'est-à-dire les royalistes les plus purs qui voient la fin de cet usurpateur de Louis-Philippe et qui pensent que la monarchie va bien entendu revenir assez vite. Les républicains qui sont contents de voir la République et puis même quelques bonapartistes qui étaient un petit peu à part et qui se mêlaient avec les républicains. Y a une question ? Ok. Alors il va y avoir l'épisode des ateliers nationaux maintenant et là ça devient sérieux. Il y a quelques gauchistes dans ce gouvernement provisoire, quelques socialistes, et qui veulent mettre en place ce qu'on appelle des ateliers nationaux, c'est-à-dire des entreprises. Tu verras ce qui s'est passé. C'était donc une idée d'un disciple de Louis Blanc, qui voulait faire des ateliers nationaux où on faisait des entreprises gérées par les travailleurs, c'est-à-dire du socialisme, appropriation des moyens de production par les travailleurs. Sauf que ils étaient pas dominants, les gauchistes au gouvernement provisoire, et c'est finalement Marie qui va mettre en place les ateliers nationaux. Et en fait, finalement, ça va juste être l'État qui engage des gens à faire du terrassement, à boucher des trous et puis à reboucher. Donc c'est pas très efficace, forcément. En même temps, c'est le bordel, je suis désolé. En même temps, la France est très rurale, peu éduquée et sous l'influence des notables, c'est-à-dire des orléanistes, donc ceux pour Louis-Philippe, et des légitimistes, ceux pour Charles X, pour les Bourbons, monarchie de droit divin. et donc la campagne, très majoritairement paysanne, est très conservatrice. Les socialistes essayent de retarder l'élection, de gagner du temps pour éduquer tout le monde à la question du mode de production, à la question de la République sociale, etc. Et on voit là un début de déchirure entre, entre les Républicains, de gauche et de droite, et le Parti de l'Ordre en profite pour se mettre en place, et il compte bien faire avec le suffrage universel. Donc pour revenir sur les ateliers nationaux, c'est en juin 48 que ça commence à mal partir, parce que la droite pousse pour les fermer, puisque c'est complètement inefficace, on est juste en train de payer des gens à rien faire. Et en plus, c'est super dangereux, parce que c'est tout un tas d'ouvriers, en plein centre de Paris, en train de discuter, à proximité de militants socialistes, donc il commence à y avoir des sacrées idées de République sociale, etc., par des gens qui sont tout proches des lieux de pouvoir, donc c'est super dangereux. Alors la décision est finalement rapidement prise par l'Assemblée qui a été élue. Donc j'ai dit, on est dans une France conservatrice, ils se sont retrouvés avec 500 républicains libéraux, dont des orléanistes cachés, 250 monarchistes et seulement 150 radicales socialistes. Et donc forcément, ils vont voter la fermeture des ateliers nationaux et ils vont dire aux ouvriers, soit vous rejoignez l'armée, soit vous dégagez de Paris. Sachant qu'il y en a beaucoup qui ont quitté leur campagne parce qu'il y avait un support surpeuplement rural pour venir jusqu'à Paris travailler dans les ateliers nationaux. Donc franchement, ça la fout mal. C'est pas juste la question de vous êtes plus et on vous a mis dans la merde. Donc manifestation ouvrière est réprimée dans le sang par Cavaignac, le ministre de la guerre, qui commence à prendre de plus en plus de pouvoir puisqu'il y a une peur sociale. Si ça vous rappelle, Sarkozy ou Cazeneuve va peut-être avoir un gain de popularité. Quand il y a des peurs sociales comme ça, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la guerre, il commence à monter en grade. Alors, voilà, il y a une commission exécutive de 5 membres, je ne sais pas pourquoi je le dis que maintenant, Lamartine, 3 républicains modérés et Le Dru-Rollin. C'est eux qui dirigent. Je suis perdu. Juste un peu après, j'ai parlé de juin 48 au mauvais moment. Juste avant, il y avait eu mai 48, une manifestation de soutien aux Polonais qui a mal tourné, c'est-à-dire qu'un agitateur, un indicateur de la police caché parmi les rangs des manifestants, qui s'appelait Aloysius Hubert, pousse à prendre l'Assemblée. Et donc coup de filet énorme, tous les meneurs socialistes, Raspail, Barbès, Blanqui, l'ouvrier Albert, Louis Blanc sont soit arrêtés, soit compromis et contraints de s'exiler. Et voilà, le ministre de la Guerre avait déjà commencé à monter. Donc voilà, bilan de tout ça, pour la droite c'est un triomphe. Cavaignac est chef du pouvoir exécutif, c'est génial, c'est un républicain de droite. Il y a un boulevard la gauche est massacrée, donc il y a un boulevard au niveau des réformes sociales. Personne ne propose quoi que ce soit à ce niveau-là pour les ouvriers, pour les paysans, etc. Et ce boulevard, il va être pris par l'extrême droite, par le bonapartisme. La province, Donc malgré ça, les élections municipales vont montrer un glissement à gauche. Beaucoup de votes pour les socialistes dans les élections municipales, pour les mairies. Il y a eu énormément d'élections cette année, hein. Ça va être incompréhensible, je suis désolé. Et le Parti de l'Ordre commence à prendre peur. Le Parti de l'Ordre, c'est toutes les droites, républicaines de droite, monarchistes, bonapartistes, etc. Et à se fédérer sous le thème de la défense sociale et religieuse. Défense de la propriété, défense de la religion, défense ça suffit pour toutes les autres défenses de la paix, etc. Donc la constitution, donc l'élection d'une constitutionnelle qui va finir par aboutir à un gros pouvoir de l'exécutif très centralisé et donc forcément ça amènera un gros pouvoir au premier parti de France en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le président qui concentre beaucoup de pouvoir et qu'il n'y a qu'un seul président, ça veut dire énormément de pouvoir à celui qui gagne. Il n'a pas tellement à écouter son opposition. Donc c'est la constitution de la Seconde République qui amène l'idée de président depuis l'Amérique. Et c'est la même. Elle ressemble à. Enfin, c'est le même principe que la Ve République. Un gros pouvoir pour le premier parti. Donc il y a des limites, mais elles voleront en éclats. J'ai pas mon livre, donc je ne peux pas les détailler. Et donc il va y avoir des élections présidentielles. Les Radsocs sont paralysés. Cavaignac est l'homme fort de la République, hein, maintenant, républicain de droite, mais il va vite se rendre compte qu'il n'est pas si populaire auprès du peuple. Et enfin, bah, il y a quelques les Red Sox, je vais passer dessus. En fait, il y a Raspail, par exemple, qui est communiste et en prison. Donc, c'est pas pratique pour les élections. Et donc, celui qui va finir par l'emporter, désolé du spoiler, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon III, qui est un mec assez bizarre, qui a voyagé à peu près un peu partout dans le monde, qui joue au con... qui est un peu bête au niveau social, hein, qui a rencontré Louis Blanc en prison parce qu'il a déjà tenté deux coups d'État. C'est un personnage assez exotique à ce moment-là, qui a écrit L'extinction du paupérisme. Et le projet n'est pas beaucoup plus développé que les ateliers nationaux d'ailleurs. Et donc voilà, il va récupérer l'appui du Parti de l'Ordre, représenté par Adolphe Thiers, qui est leur leader, en se faisant passer pour un con. Adolphe Thiers va dire de lui « c'est un bonnet qu'on mènera par le bout du nez ». On verra ce qu'il en est. Et il va se récupérer pas mal du boulevard laissé par les réformes sociales, puisque les communistes... Et alors, donc ce discours, je suis désolé, c'est un peu le bordel. Je vais le dire 100 fois. Hein. Alors, ces discours sont délirants. Il arrive à faire un nombre de contradictions pas possibles. Et en fait, il est à la fois socialiste, bonapartiste, royaliste... républicain de droite, enfin il arrive à se mettre tout le monde dans la poche et il fait ses messages de telle manière que seuls ceux qui sont d'accord avec cette manière de voir les choses vont comprendre ce qu'il veut vraiment dire. C'est-à-dire qu'il va défendre la monarchie d'une manière qui ne sera comprise que par les monarchistes. Il va défendre la république sociale d'une manière qui sera comprise que par ceux qui aiment une république sociale. Et donc en fait on a juste à utiliser notre mémoire sélective et tout le monde peut adorer Louis-Napoléon Bonaparte. Le résultat, 75% aux élections. Ce qui est sympa comme sport, comme score. Donc le voilà président. Et à ce moment-là, bon, tout le monde le prend encore pour un con. Hein. Enfin, tout le Parti de l'Ordre le prend encore pour un con. Et donc le Parti de l'Ordre va s'occuper de la gauche, qui lui fait très peur. Il y a le combat gauche-droite qui va se cristalliser avec les élections législatives de mai 49, c'est-à-dire des députés. Il y a eu 500 blancs, c'est-à-dire du Parti de l'Ordre, plutôt monarchiste. 100 bleus, c'est-à-dire républicains de droite, et ce qui fait très peur, c'est qu'il y a eu 200 rouges, c'est-à-dire radical socialiste en gros. Et donc c'est l'apparition du spectre rouge, pour le Parti de l'Ordre prend peur, il se dit qu'il y aura des partageux qui vont venir nous prendre le pouvoir. Et donc ils vont utiliser tout leur pouvoir de propagande, puisque c'est les groupes industriels, donc ils ont forcément les médias, c'est évident. Et donc ils vont utiliser toutes ces presses et ces brochures pour s'acharner contre les républicains de gauche, les radicaux socialistes, et agiter le spectre des partageux. Alors c'est encore en cours, hein. Ça permet de fausser le suffrage universel, c'est une technique qui est encore très utilisée, je pense qu'on est au courant. Et donc pendant ce temps, Napoléon il est pas con. Ils sont très occupés, il va ménager les royalistes, il va leur donner quelques trucs au niveau de la religion, il va prendre quelques royalistes dans son ministère. Et pendant ce temps, il se concentre sur les partageux et surtout, il va s'attirer l'état-major. Il va développer ce qu'on appelle la société du 10 décembre, c'est-à-dire le 10 décembre, c'était le jour de ces élections. Il va faire... il va y avoir une société du 10 décembre de son fan club qui va se créer, et puis il va la diriger dans l'ombre, et toutes les propositions qu'il veut, il va les faire passer par eux. Alors elle recrute, cette société du décembre recrute dans ce qu'on appelle le lumpen prolétariat, c'est-à-dire ceux qui sont exclus du système, donc les coupe-gorges, les voleurs, les gens du voyage, les sans-domicile, enfin... tous ces exclus, ils vont recruter parmi eux, ils vont les utiliser pour leur propagande, pour leur technique d'intimidation et pour faire passer des pétitions qui sont en faveur de lui. Pour donner un exemple de cette habileté, il y a une loi qui a été fait passer par les royalistes qui consistait à interdire à un tiers des gens de voter en fait à partir du moment où soit ils étaient indigents et ils pouvaient pas donner un justificatif de soit ils pouvaient pas donner un justificatif de domicile de plusieurs années. Et comme à cette époque les ouvriers bougeaient énormément de ville en ville et ça leur permettait de mettre une petite pression sur le patronat, ça veut dire que soit les ouvriers vont perdre ce moyen de pression qu'ils peuvent énormément bouger, déménager, passer entre les villes selon ce qui les arrange, soit ils n'ont pas le droit de voter. Un tiers du corps électoral va être viré. Et ça va être très très impopulaire auprès du peuple. Ce que va faire Napoléon, c'est qu'il va faire pousser le revote de ce truc par l'Assemblée, en sachant très bien qu'il n'aura pas assez de voix pour le faire annuler, et en se posant un peu comme le champion du peuple implicitement, sans pour autant se mettre le parti de l'ordre à dos, parce que c'est pas lui qui l'a proposé. Et donc le truc va être refusé, le parti de l'ordre va être super impopulaire, et Napoléon triomphe, et on l'a toujours pas remarqué. Il continue de flatter l'armée, il fait des réceptions, etc. Et puis peu à peu, l'essence de la Constitution... alors sur cette période d'affrontement entre le parti de l'ordre et Bonaparte, je recommande le 18 Brumaire de Karl Marx, qui est vraiment très bien écrit. Il y a des erreurs, mais sur cet affrontement entre Bonaparte et le parti de l'ordre, il est super. Alors, donc l'essence de la Constitution, finalement, quand on se penche dessus, mais j'ai pas les livres, donc je peux pas vous le détailler. C'est un affrontement entre le président et l'Assemblée, finalement, et c'est assez similaire à la nôtre normalement. Mais ça dépend de pratique. Alors, Napoléon a joué son image discrète et puis progressivement, il va finir par remplacer des gens à des hauts postes de l'armée, par remplacer des ministres, etc. Et puis un jour, il remplace Jean Garnier, c'est un royaliste qui était à la tête des troupes de Paris, donc là où on contrôle les révolutions. Et c'est là qu'Adolphe Thiers comprend et dit le coup d'État est fait. Voilà. Ce que tu fais, c'est plutôt bien fait. Je voulais juste, si je ne l'ai peut-être pas entendu, tu dis Napoléon. Je sais bien que tu sais que c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Je sais, je pense que les gens qui sont assis, oui. Mais comme il y a des gens qui passent, tu vois, il vaut mieux dire Louis-Napoléon Bonaparte. Et il y a quand même un facteur, je crois que tu ne l'as pas dit, c'est qu'il jouit quand même de la réputation d'être le neveu de Napoléon. Hein, donc avec une réputation, donc à la fois Napoléon qui a été un républicain, révolutionnaire, qui a été monarchiste, donc finalement qui a rassemblé des partis, des factions assez différentes, voilà, des mouvements politiques. Donc il est intelligent certes, mais il jouit aussi de cette réputation. Voilà, Louis Napoléon. Ouais, alors il est très habile, mais oui, en effet, il y a ça. Et puis pour vous dire clairement, il y a même des gens qui ont voté pour Louis-Napoléon Bonaparte en pensant voter pour Napoléon Ier, hein, sachant que c'est 40 ans après. Et surtout, il va utiliser la légende de Napoléon Ier en la modifiant un peu. C'est-à-dire que Napoléon Ier, en exil, va écrire, enfin, une fois qu'il a été vaincu, qu'il était sur l'île de Sainte-Hélène, vaincu deux fois et sur l'île de Sainte-Hélène, il va écrire le mémorial de Sainte-Hélène. Enfin, il va faire rédiger le mémorial de Sainte-Hélène, dans lequel il présente toutes ses idées démocrates et sympathiques, etc., qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce qu'il faisait quand il était au pouvoir. Louis-Napoléon Bonaparte va se réclamer de ça. Et c'est-à-dire il va y avoir une distinction entre bonapartisme et napoléonisme. Et donc, ça va lui donner un super air de démocrate, et il va essayer de restaurer en même temps la légende de son oncle. C'est à propos de lui que Karl Marx avait dit l'histoire se répète toujours, une fois comme tragédie, une fois comme farce. La tragédie, c'est Napoléon Ier, la farce, c'est Napoléon III. Ça recommence. On en est où, là? Il est quelle heure? Ok, bah en fait, on va passer tout de suite aux questions. Parce que c'est déjà le bordel, je vais pas tenir. C'était pas censé être l'intervention d'aujourd'hui, et puis ça va vous permettre de poser des questions, c'est plus sympa. On va passer aux questions parce que ça va être compliqué pour moi de continuer mon cours, et c'était pas censé être l'intervention d'aujourd'hui. À 17h, il y a un truc intéressant, donc je vous conseille de rester, même si là, ça patauge. Ok, bah du coup, merci beaucoup déjà pour avoir fait ça au dernier moment. Merci beaucoup. Et du coup, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à lever la main. Je vous passerai le micro à votre tour. Voilà, parfait. Alors, moi, j'ai une question, mais ma question est en rapport avec Napoléon Ier. Bon, je ne sais pas si tu pourras me répondre, parce que j'ai cherché à savoir si, en France, il y a eu ce qu'on appelle des dictateurs. Et on m'a donné deux noms, et entre autres, Napoléon Ier. Donc, que peux-tu me dire s'il était dictateur ou pas? Alors, l'idée, c'est que tout le monde peut intervenir. Donc, si quelqu'un sait, il peut aussi lever la main. Bah déjà, juste pour la question du dictateur, à l'époque, le sens dictateur, ça dépend de quoi on parle. Parce qu'à l'époque de Napoléon, le mot dictateur n'avait pas le même... De Napoléon Ier, le mot dictateur n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. En fait, le dictateur, il avait le sens romain. C'était le stratège comme en Grèce. C'était la personne en cas de guerre, comme on pouvait les assembler, ils n'avaient pas le temps. En cas de guerre, il faut avoir des réponses rapides, donc il faut mettre un stratège, ce qu'on appelait un stratège chez les Grecs. Et ça va être le nom de dictateur. D'ailleurs, César sera un dictateur au départ. Le dictateur, ça n'a pas le sens d'aujourd'hui, c'est pas le parti unique, etc. C'était un chef militaire qui, en cas de guerre, prenait le pouvoir pour la guerre, parce qu'il fallait des décisions rapides et les assembler, c'est par définition le temps de délibérer, tout ça, on n'a pas le temps de réagir. Voilà, je pense que je réponds à la question. Voilà, alors après Napoléon III résume très bien comment on va passer de... Ouais non, je vais pas me retrouver dans ce que je raconte là. D'autres questions ? Bon bah alors je vais continuer. Donc Napoléon finit par faire son coup d'état le 2 décembre 1851. Il va placarder des trucs dans tout Paris, il va occuper une imprimerie, placarder des trucs dans tout Paris, et qui vont déclarer en fait que le suffrage universel est rétabli, joie, que l'Assemblée est dissoute parce qu'elle n'a pas été assez démocratique, et que Napoléon a les pleins pouvoirs. Voilà, ça c'est la partie pour assurer la démocratie, bien sûr, le suffrage universel, etc. Ce qui s'est passé, c'est que bon, Paris s'est vite fait soulevé, mais déjà il y avait moins d'ouvriers à Paris parce qu'on les avait bien tués et qu'on avait commencé déjà à faire monter les loyers, etc. Et du coup, il y en avait très peu et ils avaient été très refroidis par juin 48 où ils ont tous été massacrés par des républicains. Donc qu'ils soient de droite ou de gauche, ça se voit pas trop dans ces périodes, ils pouvaient retenir que ça. Donc ils étaient pas très chauds pour mourir pour la République. Et à côté de ça, les bourgeois ont pas réussi à... les bourgeois ne se sont pas vraiment rebellés parce que la troupe en fait a tiré dans la rue sur des gens des bourgeois dans la rue et des ouvriers aussi d'ailleurs ont hué la troupe qui menait le coup d'état et la troupe a juste fait feu sur eux. Il y a eu des dizaines de morts, je crois, donc ça les a calmés et il n'y a pas eu vraiment de résistance. Donc la résistance, bizarrement, alors qu'à l'époque tout se décide à Paris, elle s'est faite en province. Et c'est justement là où le mot province va devenir à ce moment-là que le mot province va commencer à devenir un peu désuet. Dans le Midi, dans toutes les zones montagneuses en fait, où l'habitat est assez regroupé, je fais de la géographie déterministe. Ça commence à voter assez à gauche. Il y a un grand développement des journaux locaux, socialistes, communistes, etc. Et donc il y a une forte base de gauche. Et ce qui va se passer, c'est que va y avoir la petite bourgeoisie de notables, de petits clercs, d'avocats, etc. qui vont brandir la Constitution et qui vont dire que voilà, ce coup d'État en fait nous enlève la seule chose qu'on a, c'est-à-dire la Constitution. Parce que quand on n'a rien, quand on est prolétaire, tout ce qu'on a en fait c'est nos droits. Et donc ça va assez bien fonctionner auprès des paysans. Qui vont prendre des forges, qui vont prendre tout ce qu'ils peuvent, des fusils de merde, et qui vont se lever contre les troupes qui avaient été concentrées à Paris et dans les grandes villes. Et donc elles vont tenir, je sais plus exactement combien de temps, plusieurs mois. Elles vont être massacrées, beaucoup arrêtées, envoyées en Guyane, etc. Mais elles ont très bien tenu, elles ont fait très peur. Napoléon a été très surpris, il ne s'attendait pas à avoir à tuer autant de gens. Mais si c'est important, c'est surtout parce que Napoléon va comprendre qu'il n'a pas vraiment l'appui du peuple, du moins pas de sa fraction la plus active. Et du coup, il va tourner à droite. Son coup d'état, il l'avait présenté comme le suffrage universel, etc., etc. Et en fait, finalement, quand il a le pouvoir, si ça peut vous donner un petit échantillon de ce que va être le FN s'il passe, hein. C'est-à-dire que dès qu'il va arriver au pouvoir et qu'il va se rendre compte qu'il y a une fraction active, très à gauche, qui va l'emmerder avec des histoires sociales, il va tourner à droite et se mettre du côté du parti de l'ordre, de la protection de la propriété, de la religion, etc. Et en fait, il va se mettre du côté de l'industrie, il va prendre un ministère avec des banquiers, etc. Et ça va être ça pendant tout le Second Empire, en fait. Est-ce qu'il y a des questions encore? Vous pouvez vraiment lever la main à n'importe quel moment parce que là je suis en galère. En plus, c'est moi qui organise le machin, je sais toujours pas où sont mes intervenants. Je reviens un petit peu en arrière, Georges, sur l'élection dont tu as parlé, là, l'élection avec Napoléon III, etc. Au départ, c'était pour faire revenir le roi, c'était pas Napoléon, ils avaient organisé l'élection pour venir faire revenir le roi. Si tu peux nous en parler un petit peu. Alors oui, ça c'est extrêmement bien détaillé dans le 18 brumaire de Karl Marx ou dans la France du 19e, la France au 19e siècle de Barjot, Chaline et Encrevé. Mais donc oui, à droite, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un candidat parce qu'elle était fracturée entre orléanistes et légitimistes. Orléanistes, c'est la famille des Orléans, le duc d'Orléans, l'homme le plus riche de France, qui est la branche cadette des Bourbons. Les Bourbons, c'est les légitimistes. Et donc en gros, c'est là qu'on voit à peu près ce qu'il veut dire, c'est que la fracture va se faire au niveau des moyens de production, en fait. De quel ordre social j'ai besoin pour assurer les conditions matérielles d'existence de ma classe. C'est-à-dire que les légitimistes, du côté des Bourbons, de la monarchie absolue de droit divin, très catholique, etc., c'est des grands propriétaires fonciers. Ils ont beaucoup de terres et ils ont besoin de cet ordre social, du maintien de cet ordre social, d'un clergé proche du peuple, gallican, etc. Les orléanistes, c'est plutôt les industriels et les financiers. Ils ont besoin d'un ordre social qui soit plus parlementaire, oligarchique au niveau et déterminé par la richesse en termes de volume et moins en termes de statut. Et donc ils vont soutenir les Orléans. N'empêche qu'ils sont quand même tous d'accord contre la République. Et donc c'est là que la fracture va se faire. Mais ils sont quand même ensemble. Et donc pour les élections, comme ils n'ont toujours pas résolu la question de qui on présente, est-ce qu'on présente un Bourbon ou est-ce qu'on présente le duc d'Orléans, ils vont juste choisir le mec qui sort de nulle part, Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'était évadé d'ailleurs en fait de prison, hein, mais bon, on l'a accepté qu'il revienne. Et ils se disent, voilà, c'est un bonnet, on va le mener par le bout du nez, et en attendant, on va continuer de faire notre œuvre, on va le manipuler, on va le pousser à faire des trucs qui aident la monarchie, qui vont faire voter les gens pour la monarchie. Et dès qu'on en aura plus besoin, bah, on le virera en fait, et on le remplacera par un roi. Et donc en fait, Bonaparte les a complètement eus. Et j'espère que ça répond à la question. Encore, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais comment est-ce qu'elle est enseignée actuellement la Seconde République à l'école? Tu sais pas? Non, mais... C'est assez simple, elle l'est pas. Hein. En fait, tout le 19e siècle, on le survole au point que ça ne peut pas ne pas être une intention. Le 19e siècle, c'est le moment où se forme la République, où se forment les classes qui vont les diriger, les structures, le corps de loi, l'idéologie, etc. Énormément de choses, en fait. Toute la République, tout le corps et notre mode de production, enfin, et sa manière de s'accorder avec notre mode de production va se déterminer au 19e siècle. 1789, ça ne fait que lancer le mouvement, mettre le feu aux poudres, etc. Mais en vrai, ce qui suit 1789, c'est 30 ans d'empire, 20 ans de monarchie. La République n'arrive que dans les années 1870. Hein. Et donc, s'ils nous font le mythe révolutionnaire, on s'est levé en 1789, le peuple s'est soulevé contre ses monarques et les a renversés, et après on était libre et c'était super, on avait le suffrage universel. Et puis tout le 19e siècle, moi je me souviens juste, avant les études supérieures, je me souviens juste d'un genre de graphique où on disait, là il y a eu la monarchie de juillet, la restauration, le second empire, et puis après la république, et puis ça t'oublie rapidement quoi. Et donc si on n'étudie pas ça en histoire, c'est parce qu'on a besoin d'une certaine conception qui est qu'il y a eu un grand événement et que l'histoire du coup est devenue beaucoup mieux, et qu'en fait tout va mieux maintenant, et que en fait tout est réglé maintenant. Donc l'idée c'est aussi, mais c'est tout l'enseignement d'histoire, on pourrait continuer, c'est-à-dire c'est l'idée c'est de nous faire passer une histoire littéraire, une histoire super linéaire, qui fait comme ça, où ça va mieux. Par exemple pour illustrer la connerie que c'est, on peut prendre le mythe de la Renaissance. La Renaissance est censée être au XVIe siècle, où on sort de ce Moyen-Âge affreux. En vrai, le XVIe siècle c'est les guerres de religion, hein. La deuxième partie du XVIe siècle, on s'étripe entre protestants et catholiques, alors que... fin 15e siècle, on avait commencé une reconstruction. Mais l'idée, c'est une histoire linéaire, et si possible, derrière, l'enchaînement logique, c'est que on a atteint la fin de l'histoire, parce que il y a plus d'alternative. Le bloc soviétique s'est écroulé, le communisme n'est pas possible, il peut plus y avoir d'autres manières de faire les choses. Donc en fait, tout est réglé, vous pouvez rentrer chez vous. Et il n'y a plus d'histoire, voilà. Donc c'est une des grosses idées qui va déterminer l'éducation de l'histoire. En fait, c'est bien qu'on reste sur ce sujet, puisque c'était censé être l'intervention d'aujourd'hui. Moi, je m'intéresse beaucoup au glissement de sens, comme le sens de démocratie aujourd'hui, qui n'a pas de sens pour moi, puisqu'on n'est pas en démocratie. Là, tu as parlé aussi de gauchiste à un moment, de l'époque, ça n'a pas le sens d'aujourd'hui. Tu as parlé aussi de socialiste, ça n'a pas le sens d'aujourd'hui non plus. Mais je voudrais revenir sur le sens de républicain, qui n'a évidemment pas de sens non plus, qui n'a évidemment pas le même sens aujourd'hui. Je voudrais que tu nous en parles un peu du sens des républicains de l'époque. D'accord. Alors dans ces conditions, je suis obligé de prendre mon parti pris habituel. C'est une question de question de philosophie du langage. C'est-à-dire l'usage, le sens des mots est déterminé par leur usage. Mais ça, c'est un parti pris. Mais je vois pas comment on peut le contester. Mais c'est un parti pris, on va dire. Et donc dans ce sens-là, ça va être une question de qui l'utilise, qui le reçoit d'une certaine manière, etc. Et la différence, elle va se faire, les gens vont pas l'entendre dans le même sens, etc. Mais comme on est dans une démocratie de suffrage universel où on vote pour des maîtres, la question, ça va être essentiellement qu'est-ce que va comprendre la majorité et au niveau de la classe dirigeante, qu'est-ce qui est vraiment entendu. Et donc dans le sens de la République... la République, dans le sens de la majorité, c'est la démocratie, non ? C'est la même chose, non ? On est d'accord ? Bon, alors, en réalité, je sais que c'est faux. La République, c'est même pas la même nature de choses. On peut avoir des républiques démocratiques, mais c'est juste, ça ne désigne pas la même chose. La République, c'est un État qui est régi par des lois, et non, excusez-moi, parce que c'est quand même quelque chose qui est très français. Quand on parle de république en France, on lui donne une signification que tous les autres pays n'ont pas. Je ne suis pas née en France et ça m'a profondément choquée. Quand pour moi on dit vive la France, vive la République, on dit vive la France, vive ma forme de gouvernance et de gouvernement. La démocratie, c'est quelque chose qui donne le pouvoir au peuple. La République, c'est simplement qu'il n'y a pas de roi. Il y a une autre forme de gouvernement. Pour tout le reste de la planète, c'est ça. Je vous invite à regarder sur Wikipédia la définition de démocratie et république en anglais et en français. Et c'est particulièrement drôle parce qu'on n'y trouve rien de particulièrement envoûtant ou beau dans le mot république. C'est vraiment nous en France que lui donnons une signification particulière. La France a quand même une histoire, et puis voilà, les évidemment que les mots d'un pays à l'autre n'ont pas le même sens, mais là, c'est pas le problème, je pense. La France, le terme république a été introduit à un certain moment, parce que, voilà, il y avait ça vient des Romains, évidemment, c'était, parce qu'en fait, à l'époque de 1789, les révolutionnaires, enfin, tous les constituants, etc., eux, ils avaient, comme, leur culture, c'était Rome, il y avait beaucoup de choses comme ça, je parle sous le contrôle de tout le monde, évidemment. Mais moi, ce que je voulais te poser comme question, c'était quel est le sens des républicains à l'époque. C'était pas aujourd'hui. C'était évidemment qu'aujourd'hui, pareil. En France, une république monarchique, on peut avoir une république monarchique. Donc, c'est pour ça qu'une république, c'est pas spécialement une république où il n'y aurait pas droit. On peut avoir une république monarchique. Enfin, je parle dans le sens français. C'est pas. Enfin bon. Démocratie, pour moi il n'y a pas de démocratie en France, il n'y a pas eu, même depuis 1789 on n'a pas de démocratie, moi. Enfin bon, après on peut en discuter si vous voulez, moi j'ai fait une petite intervention ici, vous pouvez aller l'écouter sur internet, mais enfin bon, c'est pas le débat, mais juste revenir sur le sens des républicains à l'époque de 1848. Je connais pas ton prénom. Excusez-moi, c'est pas de la malpolitesse, c'est parce que j'organise le truc qui va suivre. Sur les républicains, justement, on a vu qu'il y a un affrontement violent parmi les républicains. Ce que juin 1848 va montrer, c'est qu'il y a une grosse fraction entre la République comme un état de droit qui préserve la propriété et les mêmes droits à chacun, Mais évidemment, ça n'est pas favorable aux mêmes personnes. Ça va être plus ou moins favorable selon d'où on vient. Et la République sociale, qui cherche à l'égalité de fait réel et la liberté réelle, l'émancipation, etc. Et sur ça, il y a Samuel Hayat qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est un jeune historien. Une étoile montante, j'ai pas lu son livre, mais il paraît qu'il est très bien sur 1848 et sur cette question de l'affrontement entre ces deux questions. Sinon, il y a Maurice Agulon, je donne des livres parce qu'on n'a pas tellement de temps, mais Maurice Agulon, 1848 ou l'apprentissage de la République, où il va pas mal montrer l'affrontement entre ces conceptions. Alors, c'est quand même assez amusant de voir le consensus auquel on est arrivé aujourd'hui et aussi de voir qui a gagné. Enfin, c'est évident. On voit ce qu'on apprend à l'école sur la République. C'est quand même assez loin des questions. On se pose pas la question du mode de production à l'école quand on parle de République. Alors qu'à l'époque, les révolutionnaires de 1848, ceux de février, ils l'avaient en tête. Alors, il y avait aussi des républicains de droite, mais ceux qui ont amené la République en France, c'est aussi des gens qui se posaient la question de la République sociale, de l'égalité de fait, etc. Et à vrai dire, les orléanistes, c'est-à-dire les monarchistes parlementaires, ont eu un plus gros impact sur nos structures finalement que cette frange révolutionnaire de gauche républicaine. Donc voilà, alors la question de la démocratie, là on a la journée de la transition citoyenne, je pense qu'ils sont dessus. Ce n'est pas une question. Tu as dit à juste titre qu'à l'école, on éludait la nature des régimes politiques au 19e. Alors, je rappelle une évidence, mais pour les gens qui ne le sauraient pas encore, c'est quand même aussi l'époque des expéditions coloniales, comme par hasard liées à la République, à ces notions de démocratie. Alors, je suis arrivée pas au début. J'imagine que tu as. Enfin, je pense que ça fait quand même consensus, ça. C'est que la révolution 1789, on parle du peuple. En réalité, c'est la bourgeoisie qui, en utilisant le peuple, a tiré les marrons du feu, si je ne me trompe pas dans l'utilisation de l'expression. C'est-à-dire, c'est elle qui a quand même récupéré la mise. Donc, en 1789, on n'a pas une vraie révolution. C'est le siècle des Lumières, la grande bourgeoisie qui récupère. C'est la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, qui récupère l'héritage de cette révolution de 1789. Mais certainement pas le peuple, c'est encore à faire. Alors, je suis pas marxiste, mais par contre, je suis très d'accord avec l'interprétation de Marx de cette révolution, qui d'ailleurs est plus ou moins celle de Guizot aussi. C'est-à-dire que la révolution, elle vient aussi de cette grande bourgeoisie qui avait déjà changé le mode de production en fait. En 1789, les villes, les propriétés, etc., l'industrie s'est contrôlée par des bourgeois, des gens qui n'ont pas de titre de noblesse, etc. Et on va changer la classe dirigeante du statut vers ceux qui ont les moyens de production. Enfin, c'est surtout que les moyens de production ont changé. Avant, il suffisait de la terre, et puis après, il y a eu d'autres manières de produire, d'autres choses à produire, et du coup, une classe révolutionnaire a émergé. La bourgeoisie est une classe révolutionnaire qui a réussi. Et donc l'idée derrière, c'est que la prochaine classe révolutionnaire, c'est le prolétariat qui est censé trouver une autre manière de produire qui soit communiste et qui renverse progressivement le système en place. Will, l'intervention. Je suis déjà intervenu ici il y a quelque temps. Je vais encore intervenir pour répéter les mêmes choses. Mais je trouve qu'il y a toujours effectivement une grande dérive dans la démocratie. Et une des dérives actuelles, c'est encore de confondre l'égalité en droit avec le droit à l'égalité. Vous avez parlé de réclamer l'égalité réelle, mais l'égalité réelle n'existe pas et n'existera jamais. Et je répète que c'est bien parce que l'égalité réelle n'existera jamais qu'il est absolument nécessaire de réclamer l'égalité en droit. Alors je vais juste dire quelque chose rapidement. Oui, alors en effet, le droit au travail a été une grande question à ce moment-là. Par contre, justement, s'il y a des questions comme le droit à l'égalité, c'est parce que l'égalité de fait peut être atteinte, ou une plus grande égalité de fait. Alors, je suis d'accord que je pense que la violence ne pourra pas être éradiquée. La violence dans le rapport de production ou dans la répartition de ces choses ne peut pas être éradiquée, mais on peut faire une société égalitaire. Et en tout cas, plus égalitaire, ça c'est sûr. Entièrement d'accord. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis entièrement d'accord. De dire ça, c'est même un sophisme. De dire qu'il n'y a que l'égalité en droit qu'on pourrait réaliser, c'est même un sophisme. Là, parce que l'égalité en droit, ok, les hommes naissent libres et égaux en droit, ok. Mais un mec qui n'est pauvre, un mec qui n'est riche, hein, on sait tous qu'on va pas avoir les mêmes chances. Voilà, c'est tout. Donc évidemment qu'on peut essayer de rendre les gens un petit peu plus égaux, par exemple au niveau des en partageant les richesses, par exemple, voilà. Et ça, c'est pas de l'égalité en droit, partager les richesses, parce que voilà, le problème il est là, quoi. Le problème il est voilà, les moyens de production, les gens, voilà, quelqu'un qui n'est riche, quelqu'un qui n'est pauvre, voilà, ils ont pas les mêmes droits. Donc les gens naissent libres et égaux, ok, mais bon, non, en droit, mais pas en fait, justement. Alors vous allez débattre, je vais juste passer un petit appel. Est-ce que Jean-Pierre Terrail est ici? Donc continuez le débat. Oui, de toute façon on arrive à la fin du débat. On va prendre deux interventions. Alors vous vouliez peut-être répondre directement, oui, comme c'était sur le sujet, et après il y avait. Je n'ai pas dit que l'égalité en droit existait, j'ai dit que parce qu'il n'y avait pas d'égalité et que l'égalité était impossible, qu'il n'y avait pas de droit à l'égalité, qu'il fallait justement qu'on se batte pour l'égalité en droit. Ce n'est pas la même chose. On doit se battre pour l'égalité en droit, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas d'égalité, il ne pourra pas y avoir d'égalité entre les humains. On est différents, tout simplement. Et donc, le droit à l'égalité est une utopie, et comme toutes les utopies, à mon avis, elles sont dangereuses. Elles sont toutes plus ou moins totalitaires. Alors, je prends une autre intervention, du coup. Non, mais je pense qu'aussi, il ne faut pas résumer. Tu résumes l'égalité à la question des richesses. L'égalité, ça touche beaucoup d'autres choses que les richesses. En effet, on peut chercher l'égalité des richesses, mais voilà, ce que disait le monsieur, c'est y a aussi l'égalité physique, l'égalité. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles les êtres humains ne seront jamais égaux entre eux. Mais les richesses, ça peut être un point sur lequel on peut chercher l'égalité. Mais voilà, c'est. Après, c'est tout. Ouais, tu veux réagir? N'hésitez pas, hein, si ça va être vraiment la dernière réaction. Moi, je vais juste me répéter, c'est dire qu'on pourrait pas atteindre l'égalité parce qu'on est tous différents, on doit juste s'occuper de l'égalité en droit. Bah, l'égalité en droit, le problème, c'est qu'en fait, elle n'y est pas, quoi. C'est justement, il faut, évidemment, tout dépend de quelle égalité on parle, c'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Et justement, ne pas dire que, je sais bien qu'on est tous différents, que évidemment que l'égalité aussi, ça peut être dangereux, hein, on est d'accord. Si on veut normer tout le monde de la même façon, ouais, on peut arriver à un truc totalitaire, on est d'accord. Mais là, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de l'égalité des richesses, tout simplement, un partage des richesses. Voilà. Donc, attention, si on dit qu'on est tous différents, qu'on peut pas arriver à l'égalité, parce que c'est ce qu'a dit le monsieur, je suis désolé, on doit juste en rester à l'égalité en droit. Eh ben non, on reste pas. L'égalité en droit, c'est pas. En fait, quand je me répète, en fait, eh ben non. Quelqu'un, on les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est ce qui est dit sur le papier. Eh ben non. D'ailleurs, Marx et bien d'autres ont fait la critique, hein, bien avant moi. Hein. En fait non. Dans les faits non, puisque quelqu'un qui n'est pauvre, je me répète, eh ben il a pas les mêmes chances que quelqu'un qui n'est riche et tout. C'est juste, voilà. Évidemment que moi je parle pas des autres égalités. Moi je parle de partage des richesses. Hein, moi c'est tout. Hein. Ok, merci. Alors du coup, je sais pas si... non, apparemment, ils sont pas tout à fait prêts. Donc on peut encore parler un peu de ça 5 minutes, même si c'est difficile, parce que je sens que ça peut partir aussi en débat. Voilà. Non, vous voulez pas réagir. D'autres réactions, non? Alors à la base, on parlait de la Seconde République. Là, on est parti sur l'égalité des droits, droit à l'égalité. Oui, allez-y. De les hommes naissent libres et égaux en droit. Bon, je crois qu'il faut quand même l'interpréter peut-être de deux façons. Je me pose juste la question là, hein, sans y avoir plus réfléchi que cela. C'est que soit c'est un constat, les hommes naissent libres et égaux en droit, ou alors c'est on décrète que les hommes naissent libres et égaux en droit, et dans ce cas-là, c'est un mensonge. Il y a deux manières d'interpréter le naissent libres et égaux en droit. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont. C'est que voilà, la constituante, un peu au-dessus... de la réalité, préfère dire de manière péremptoire naissent libres et égaux en droit. Et dans ce cas-là, c'est un mensonge. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne analyse en fait, parce que voilà, c'est on affirme quelque chose qui est pas encore fait en fait. Même si ça peut laisser croire que c'est dans le but de le faire, mais ça peut laisser faire croire ça en tout cas. Mais Mais bon, en tout cas, c'est pas, en tout cas, c'est pas appliqué. Ouais, ouais. Effectivement. Alors, si vous voulez, je vais préciser, quand je réclame l'égalité en droit, je réclame bien sûr la justice sociale. Et effectivement, la justice sociale, ça peut peut-être vouloir dire qu'effectivement, il y a une meilleure répartition des richesses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ok, on a encore 5 minutes. Profitez-en. tu veux rajouter quelque chose peut-être ou non? Toi, c'est bon, t'es occupé là. D'autres réactions plutôt, parce que question du coup il pourra pas vraiment répondre. Non, oui, n'ayez pas peur. Hein. Oui, je m'excuse parce que j'ai pas entendu tout le débat, donc peut-être que j'ai raté une partie des questions et des surtout des réponses. Et j'entends beaucoup de gens qui identifient des problèmes, j'entends beaucoup de gens qui identifient des directions dans lesquelles faut aller. Et puis maintenant, so what? C'est quoi les propositions concrètes qu'on peut commencer à mettre en œuvre ce samedi? C'est le thème de la journée. Juste après, il va y avoir une intervention, donc je vous demande de rester. À 17h, il va y avoir des élèves du lycée autogéré et un sociologue de l'éducation, Jean-Pierre Terrail. Voilà, qui vont donner du positif, parce qu'on aurait pu faire une critique, mais on va essayer d'être plus dans le qu'est-ce qu'on pourrait faire et quel intérêt il y aurait à faire ça. Donc voilà. J'espère que tout le monde est content. Merci. Bon, du coup, on va arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et on va... Si vous voulez bien attendre, du coup, pour le débat conférence. Non, pas de réaction. On clôt le débat. Une fois, deux fois, trois fois, GG. C'est clôturé. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Merci à Emilio d'avoir fait ça à l'improviste comme ça. Beaucoup. Et tu veux peut-être conclure ou pas de... Non, non. Ou tu veux passer direct à la suite? Ben voilà. Ben, merci beaucoup. Et je te passe le micro du coup. Donc bienvenue à la conférence débat économie et éducation. On a Jean-Pierre Terrail, sociologue de l'éducation, et pour l'instant un seul, mais normalement plusieurs élèves du lycée autogéré pour nous parler de leur expérience et de leurs connaissances. Donc on a travaillé en commission économie politique sur le thème économie, éducation, les liens éventuels entre eux. Et j'ai essayé de faire une petite...